Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 135. Des vices opposés à la magnificence. La parcimonie et la profusion. 1. La parcimonie est-elle un vice, tandis que l'homme magnifique recherche principalement la grandeur des œuvres et ne s'occupe que secondairement des dépenses auxquelles il consent sans peine pour produire quelque chose de splendide, le parcimonieux, au contraire, cherche avant tout à dépenser peu, et, dans ce but, il se résout à la petitesse des œuvres. Alors même qu'il fait de grandes choses, il en perd le mérite, voulant trop épargner. Ainsi, faute de garder la proportion convenable entre l'œuvre et la dépense, la parcimonie est vicieuse. 2. Y a-t-il un vice opposé à la parcimonie? À la parcimonie, qui ne met pas la proportion voulue entre la dépense et la grandeur des œuvres, est opposée la profusion ou la prodigalité, par laquelle on dépasse les limites de la raison dans les dépenses. Note. Entre ces deux extrêmes se trouve la magnificence, qui fait quelque chose de grand sans lésinerie ni prodigalité.